perso. Tiens, y'a peu de chance que ta vie soit en cause ou celle d'un autre. De cette vie, tu n'es qu'un autre. Il suffit d'une fraction de seconde pour qu'un homme succombe, qu'un village s'embrase ou qu'un avion s'écrase. Il suffit d'un regard de travers pour que des frères se livrent une guerre et d'une simple poignée de main pour qu'un conflit prenne fin. Il suffit d'un verre de trop pour finir alcoolo, d'un spiff, d'un bédo pour dormir au comico. Et pour un mot de trop, tu peux finir à l'hosto. Il ne faut plus grand chose pour que le monde explose. Il suffit d'une goutte d'eau pour que le vase déborde. Il suffit d'un sarco, sarco français, le coup dans la corde, je te l'accorde. Il suffit d'un seul songe pour vivre dans l'aisance, tout comme il suffit d'un mensonge pour perdre sa confiance. Il suffit d'une seule fois pour qu'elle ait le soi. Il suffit d'un seul pas pour qu'il ne dise pas papa. Il suffit d'argent, il suffit d'argent. D'une seconde de plus ou d'une seconde de moins, d'un coup de plus ou d'un coup de moins. Il suffit d'argent, il suffit. Il suffit d'argent, il suffit d'argent. D'une minute en trop ou d'une minute en moins, d'une parole en trop ou d'une parole en moins. Tiens qu'un fil, que ta vie perde son fil. Il suffit vraiment peu d'un simple coup de feu pour qu'une mère perde son fils sur un simple coup de vis. Il suffit d'un simple regard pour rendre de l'amour à sa mère, d'un simple regard pour donner de l'amour à sa femme, et d'une simple caresse pour faire preuve de tendresse. Il suffit d'une fuite de gaz pour qu'un immeuble s'embrasse, que des familles perdent la vie, leur récit dans les débris. Il suffit d'un simple papier pour être licencié, d'un simple papier pour être embauché, un simple papier pour pouvoir circuler, un simple papier pour ne pas être expulsé. De si simples papiers, mais si dur à se procurer. Il suffit d'une couleur de peau pour que ça se finisse sur un nom, d'une croyance, d'une religion pour qu'on te tire dans le dos. Il suffit d'être barbu pour qu'on te croie extrémiste. Il suffit d'être barbu pour qu'on te dise terroriste. Pour qu'on te dise terroriste. Il suffit d'argent, il suffit d'argent. D'une seconde de plus ou d'une seconde de moins, d'un coup de plus ou d'un coup de moins. Il suffit d'argent. Il suffit d'argent. D'une minute en trop ou d'une minute en moins, d'une parole en trop ou d'une parole en moins. D'une voiture de police pour qu'un jeune meure en toute injustice. Il suffit une pression sur la gâchette pour qu'un jeune perde la tête, pour qu'un flic soit acquitté quand un enfant est enterré. Il suffit d'une phrase du président pour aviver le charbon à temps. Il suffirait de donner des papiers aux sans-papiers pour que cessent les galères de famille tout entière. Il suffit d'un puits de pétrole pour que l'Occident s'emballe, prétexte terroriste pour faire la guerre, envoyer ses militaires. Il suffit d'une seule balle pour qu'un homme s'étale. Il suffit d'une seule mine pour handicaper des enfants. Une seule ou une seule mine pour que d'autres travaillent dedans. Il suffit d'un billet pour tuer la fraternité. Il suffit d'un arc coupé pour que la forêt soit en danger. Il suffirait que le monde marche droit pour que ma plume pointe au pôle emploi. Il suffit d'un salam que je range le calam. Il suffit d'un salam que je range le calam. Il suffit d'un rien pour ta vie vole en éclat, que le malheur fasse des dégâts. Il suffit d'un rien pour ta vie s'embellit, que le bonheur te sourit. Il suffit d'un rien pour ta vie vole en éclat, que le malheur fasse des dégâts. Il suffit d'un rien pour ta vie s'embellit, que le bonheur te sourit.